Robert Gusset. Il est 9h. Living in the Past. Le meilleur du classique. Hi, this is Robert Plant. Hi, this is Jimmy Page of Led Zeppelin. This is Angus Young of AC/DC. Hi, this is Kenny Jones. Hi, this is Paul Rodgers. Hi, this is Mick Jones of Foreigner. Hi, this is Johnny Edwards from Foreigner. This is Alice Cooper. Hi, this is Dave Menichetti of Y&T. Hi, this is Gary Moore. Hi, I'm Ian Anderson. Hi, this is David Coverdale, and you're listening to Classic Rock Radio. Decorations are all hung by the fire. Everybody's singing, all the bells are ringing out, and it's Christmas all over again. Yeah, again. Long distance relatives, haven't seen them in a long, long time. Mm-hmm. Yeah, I kind of missed them. I just don't want to kiss them, no. And it's Christmas all over again. Little kids come get down, and Christmas is a rocking time. Put your body next to mine, underneath the mistletoe. We go. Down a block, little kids start to rock. Christmas is a rocking time. Put your body next to mine. Underneath the mistletoe, we go. Merry Christmas time. Come and find. Happy and thereby your fire. I hope you have a good one. I hope Mama gets the shopping done, and it's a Christmas all over again. Oh, baby, it's Christmas all over. Backer guitar, two Fender Bassmans, Chuck Berry songbook. Amis du rock, bonjour, bienvenue sur les ondes d'RQC en ce lundi matin 18 décembre déjà. Et oui, dans 8 jours, ce sera Noël. Et quoi de mieux pour démarrer cette émission qu'une chanson de Noël interprétée de surcroît par Tom Petty and the Heartbreakers. Tom Petty qui malheureusement nous a quittés le 2 octobre dernier. C'était un des artistes que je préférais dans le domaine du rock et donc je ne pouvais pas louper l'occasion de lui rendre hommage à travers cette chanson Christmas All Over Again qui figure sur une compilation de 1992 A Very Special Christmas. Et puisque l'on est dans la période de Noël, ben on va poursuivre dans la même veine avec Bon Jovi, Please Come Home for Christmas, et ensuite je vous balancerai le programme de la matinée. Bells will be ringing. C'était bien entendu John Bon Jovi, toujours extrait de cette compilation de 1992, Very Special Christmas 2. Et le titre c'était Please Come Home for Christmas, s'il te plaît viens à la maison pour Noël. J'espère que vous pourrez en effet toutes et tous passer un excellent Noël en famille. Et au programme aujourd'hui, toujours bien entendu Jean-Marie en votre compagnie jusqu'à 11h30. J'espère que nous allons passer ensemble une matinée un peu plus radieuse que la météo de ces derniers jours. Et pour ce faire, je vous ai programmé comme d'habitude un petit programme d'enfer, à commencer par notre habituelle séquence anniversaire qui nous revient aujourd'hui, suivie de la suite suite de notre séquence Le Rock Made in France, aujourd'hui consacrée à, après la semaine dernière, les premiers pas du rock'n'roll en France, ce sont maintenant les yéyés que nous allons évoquer. Et puis, notre séquence aussi habituelle, déjà depuis pas mal de semaines, consacrée à musique progressive, aujourd'hui la dernière partie du programme de Marie Lyon, qui est un groupe tout à fait particulier et innovant en matière notamment de marketing. Enfin, l'album du jour sera aujourd'hui consacré au groupe Taste. Alors, le groupe Taste, ça vous dit peut-être pas grand-chose à une partie d'entre vous, mais si je vous dis Rory Gallagher, alors là, vous aurez compris qu'il s'agit de la première formation réelle, bien connue, dans laquelle figurait ce phénoménal guitariste irlandais qu'était Rory Gallagher. Mais pour l'heure, notre séquence anniversaire, consacré ici pour débuter aux Stones. Nous sommes le 18 janvier 1965. Les Rolling Stones enregistraient The Last Time et jouaient Play With Fire, jouer avec le feu, au studio RCA de Los Angeles. Et sur ce dernier morceau, c'est Phil Spector qui joue de la guitare acoustique. Et toujours avec les Stones, mais cette fois on partira le 18 décembre 1973. Ce jour-là, le groupe donnait un concert en Californie pour venir en aide aux victimes d'un tremblement de terre qui avait eu lieu le 23 décembre précédent. Et le concert a permis de collecter 200 000 dollars. Mais comme les Stones étaient généreux à l'époque, ils le sont peut-être toujours d'ailleurs, ils en profitèrent également pour signer un chèque supplémentaire de 150 000 dollars. Besoin d'infos? Envie de retrouver un titre diffusé? Découvrir nos playlists? N'hésitez pas à nous dire bonjour. Pour nous contacter, bonjour@rqc.be. bonjour@rqc.be. Well, I told you once and I told you twice, but you never listened to my what you know, it's true. Georges, nous apprécions votre humour, mais nous aimerions vraiment savoir à quoi sert ce machin-là. C'est une machine à explorer le temps. Un grand modèle pourrait transporter un homme. Living in the past. La machine à remonter le temps. J'ai rêvé que je voyageais dans le passé. Vous êtes tombé, votre tête a heurté la chasse d'eau. Et c'est en vous relevant qu'il vous est venu l'idée de construire le convecteur temporel qui rend le voyage dans le temps possible. Let's go. Well, you've got your diamond and you've got your pretty clothes. Chauffeur drives your cars, you let everybody know. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood. And your father, be there with her if he only could. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your old man took her diamonds and tiaras by the score. Now she gets her kicks in Stepney, not in Knightsbridge anymore. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. Now you've got some diamonds, and you will have some others, but you better watch your step, girl, or start living with your mother. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. Stop! Un mini récital des Stones ici à l'instant avec Tumbling Dice, un extrait d'un album trop souvent méconnu et ignoré de 1972, Exile on My Street. Et on avait débuté avec deux extraits de l'album de 1965, Out of Our Heads, tout d'abord The Last Time et Play with Fire. Alors, The Last Time, j'en profite pour vous signaler qu'en effet, c'est la dernière fois, rassurez-vous, cette année, que je serai présent pour animer cette émission, votre émission des classiques du rock et de la pop, Living in the Past. J'aurai le plaisir de vous retrouver tous et toutes en pleine forme en ce début d'année, soit le 8 janvier prochain, donc le 25 décembre, et le 1er janvier, qui sont deux lundis, ce sera relâche pour Living in the Past. Et je suis impatient de vous retrouver dès lors en ce début d'année 2018. On se projette le 18 janvier 1974, maintenant le 18 décembre 1974, que dis-je, Paul Rogers du groupe Free formait alors un nouveau groupe, les Bad Company, avec des membres d'autres formations comme Mott the Hoople et King Crimson. Voici Can't Get Enough Bad Company. Something for you. Comme remontant pour débuter la semaine, il n'y a pas mieux que Bad Company et ce Can't Get Enough de 1974 sur leur fameux album éponyme. Et on se projette une année plus tard, soit en 1975, pour retrouver Status Quo, qui à l'époque est numéro un des singles en Angleterre, avec ce fameux titre Down Down que nous allons écouter. Et assez bizarrement, ce groupe qui a réussi durant toute sa très très longue carrière à classer plus de 50 titres dans le top 40 britannique ne réussira qu'une seule fois à atteindre la première place. C'était avec ce titre Down Down. Mais voici tout d'abord un petit message. Living in the past. Mad in rap. We'll be right back. Un autre titre qui déménage, Status Quo Down Down, pour démarrer la semaine sur les ondes d'RQC dans le cadre de l'émission Living in the Past, consacrée comme d'habitude aux classiques du rock et de la pop. Et pour celles et ceux qui viendraient nous rejoindre, je rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est malheureusement la dernière émission de l'année, mais que nous aurons un grand plaisir à vous retrouver dès le 8 janvier prochain, toujours le lundi, entre 9h et 11h30. Et on poursuit notre séquence anniversaire. Nous sommes le 18 décembre 2010 à Montréal. Et Kate McGarrigal, née Catherine Frances McGarrigal, qui à Montréal le 6 février 1946. Qui est Kate McGarrigal? C'est une musicienne, auteure, compositeur, interprète québécoise, multi-instrumentiste, qui a eu la chance de travailler notamment avec Linda Ronstadt, Judy Collins ou encore Emmylou Harris, soit le meilleur du folk et de la country aux États-Unis, au Canada. Nous retrouvons avec beaucoup de plaisir ces trois artistes-là, à commencer par Linda Ronstadt et son Blue Bayou en 1977 sur l'album Simple Dreams. I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou, saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine, looking forward to happier times on Blue Bayou. Thank you. voici Judy Collins, Saint in the Clouds. Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, you in midair. Where are the clouds? Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing around, one who can't move. Where are the clouds? There ought to be clouds. Just when I'd again with my usual flair, sure of my lies, no one is there. Don't you love clouds? Don't bother, there he isn't it rich? Isn't it queer? Losing my timing this late in my career. But where are the clouds? There ought to be clouds. Maybe next year. Superbe titre, tout en émotion, Judy Collins, Send in the Clowns. Nous étions en 1975 sur l'album Judith. Et voici pour suivre Emmylou Harris, Boulder to Birmingham, avant ceci. RQC, une radio libre, sans publicité, sans parti, mais pas sans parti pris. On poursuit dans la même veine. I don't wanna hear love song. I got on this airplane just to fly, and I know there's life below me, but all that you can show me is a prairie and the sky. And I don't wanna hear a sad story full of heartbreak and desire. I felt like this. I was in the wilderness and the canyon was on fire. And I stood on the mountain. In the night and I watched it burn. I watched it burn. I watched. Les amateurs de folk et de country auront sûrement apprécié et à 9h48, nous changeons totalement de registre musical pour retrouver notre deuxième séquence, le rock made in France, aujourd'hui consacré au yéyé. En effet, pour ceux qui étaient à l'antenne, qui nous ont suivis là, déjà depuis plusieurs semaines, nous sommes occupés, dans le cadre de cette rubrique, de faire un peu l'historique du rock en France. Et la semaine dernière était consacrée à l'évocation des premiers pas du rock'n'roll en France. Nous avons parcouru, pour ce faire, les débuts de la carrière du regretté Johnny Hallyday, en nous souvenant qu'il a, dans son sillage, entraîné toute une génération d'artistes. Nous avons également vu combien les concerts, les premiers festivals de rock'n'roll suscitaient la peur et la réprobation, voire l'hostilité d'une majorité d'adultes, suivi d'ailleurs, relayé souvent par les grands médias. Or, à l'époque, cette jeunesse, trop longtemps ignorée, avait une soif immense de liberté, trouvée dans le rock'n'roll un moyen d'expression et un exutoire. Et c'est à cette époque que l'on a vu également apparaître les premières bandes de jeunes qui, comme signe distinctif, avaient l'habitude de se vêtir de blousons noirs et qui étaient très redoutés. Mais la totalité des rockers n'étaient pas tous, une majorité des rockers n'étaient pas tous des blousons noirs. Bientôt baptisés yéyé par le sociologue Edgar Morin, de nouveaux chanteurs adopteront une attitude plus soft, plus fréquentable, dirait-on. Et cela coïncidera avec l'apparition d'une nouvelle mode américaine, le twist facile à vendre par le show business.

Et oui, l'école est véritablement bientôt finie, bientôt les vacances. Et même si je suis fou, voici Monty. Et même si je suis fou de croire à l'amour, oh, laisse-moi t'aimer chaque nuit, chaque jour. Oui, laisse-moi rêver encore de toi. Oui, laisse-moi venir au creux de tes bras. Même si je suis fou, moi je le sais trop bien. Non, contre un tel amour, je ne peux plus rien. Oh, même si je suis fou de croire en toi. Oh, même si je suis fou de n'aimer que toi. Toi, laisse-moi encore ce souvenir. Je veux garder en moi. Et toi qui es parti, n'entends-tu pas ma voix? Elle est là qui te dit, reviens près de moi. Moi je ne pourrai jamais m'empêcher de penser à toi. Jamais cesser de t'aimer. C'est pourquoi encore une fois, oui même si je suis fou de croire à l'amour, laisse-moi t'aimer chaque nuit, chaque jour. Oui, laisse-moi rêver encore de toi. Oui, laisse-moi venir au creux de tes bras. Et même si je suis fou, moi je le sais trop bien. Non, contre un tel amour, je ne peux plus rien. Moi je ne pourrai jamais m'empêcher de penser à toi. Jamais cesser de t'aimer. C'est pourquoi encore une fois, oui même si je suis fou de croire à l'amour, oh laisse-moi t'aimer chaque nuit, chaque jour. Oui laisse-moi rêver encore de toi. Oui laisse-moi venir. Et même si je suis fou, moi je le sais trop bien. Non, contre un tel amour, je ne peux plus rien. Et même si je suis fou de croire à l'amour. Oui, même si je suis fou de croire à l'amour. Toujours dans cette veine yéyé, il y avait aussi les surfs. Reviens vite et oublie. Yeah. Et parmi les vedettes en vogue à l'époque, au début des années 60 en France, il y avait aussi un certain Daniel Gérard qui nous revenait après être tombé quelques années dans l'oubli. Il sera à cette occasion sacré le roi du twist avec ce titre, le petit Gonzalez. Cette récupération commerciale du rock'n'roll, en fait, grâce au yéyé et au twist, sera à l'origine d'un schisme dont le rock français ne s'est jamais véritablement remis. Et c'est ce que nous verrons en ce début d'année 2018, soit le 8 janvier, pour notre toute prochaine émission. En attendant, on retrouve l'ami Daniel Gérard et son petit Gonzalez. Oh, Gonzalez, Gonzalez. Gonzalez, reviens donc ici, petit Gonzalez. Oh, c'est maman qui te dit ça. Sinon oh, tu connais papa, lui il n'insistera pas. Si tu n'as point fini tes leçons, ça fera du bruit à la maison. Tes devoirs sont très mauvais tu sais, il te faut les recommencer. Petit Gonzalez, je t'en prie reviens. Je ne veux pas. Petit Gonzalez, pourquoi donc t'en vas-tu si loin? Parce que j'ai rendez-vous avec la belle Anna. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ouais. Surtout si tu reviens la nuit, je vois déjà ton père et sa main te caresser le bas des reins. Écoute-moi et ne dis pas non, voici ton livre et tes crayons. De moi n'auras-tu donc jamais pitié, en temps je ne peux plus crier. Petit Gonzalez, je t'en prie reviens. Petit Gonzalez, pourquoi donc t'en vas-tu si loin? Parce que j'ai rendez-vous avec la belle Anna. La la la la la la la la la Ambiance de fête sur les ondes d'RQC dans le cadre de l'émission Living in the Past. Il est très exactement 10h05 et j'espère que les amateurs des années 60 se seront remémorés plein de souvenirs grâce à tous ces titres qui nous ont émerveillés quand nous étions mômes. On change totalement de registre musical pour retrouver maintenant notre séquence consacrée à l'histoire de la musique progressive et plus particulièrement au courant néo-progressif des années 80 maintenant, à travers notamment la carrière immense de cet immense groupe qu'est Marillion. La semaine dernière, nous avions quitté Marillion en 1994, au moment où le groupe envisageait de quitter la maison de disques EMI. Et c'est ce qu'il fera finalement, mais en 1995, après la sortie d'un ultime album, Afraid of Sunlight. Marie Lyon, en effet, avait dans un premier temps pensé le faire plus tôt, lors de la préparation de l'album précédent Brave, mais finalement, il décidera d'honorer jusqu'au bout son contrat qui le liait à cette célèbre maison de disques. Et cet événement aura en fait un effet tout à fait déterminant sur la manière dont ce groupe intelligent appréhendra sa carrière future, ses rapports avec son public, notamment à travers l'utilisation massive des nouvelles technologies. Alors, dans un premier temps, le groupe créera Racket Records, son propre label indépendant, qui ne s'occupe que de Marie Lyon et qui sera un temps distribué par Castle Communication. À partir de 2001, le groupe sera toujours en autoproduction, mais retirera la distribution à Castle Communication pour la confier de nouveau à EMI. C'est un peu compliqué tout ça, hein. N'étant pas dépendant d'EMI pour la production de ses albums ou pour les relations avec ses fans, le groupe sortira donc vainqueur de ces rapports parfois tumultueux et difficiles à suivre entre le groupe et sa firme de disques. À partir de 1997, le groupe recueillera un succès plus confidentiel avec notamment l'album The Strange Engine. Mais toutefois, son succès sera suffisant quand même pour le garder sur les rails et lui assurer une totale indépendance de création enviée par nombre de groupes à travers le monde. On retrouve un extrait de cet album de 1997, The Strange Engine, et le titre, c'est le titre d'ouverture de l'album Man of a Thousand Faces. We must be in Holland. This is... What is it? Yeah! It's one of them. Allez, ambiance. I'm a man of a thousand faces, a little piece of me in every part I take. I'm the man. Of a Thousand Faces sur l'album The Strange Engine. C'était ici la version live. Et cet homme aux mille visages, c'est un titre qui caractérise assez bien le groupe à l'époque, puisque c'est à partir de cette période qu'il optera définitivement pour une stratégie de communication plus direct avec ses fans. Leur véritable force, enfin, ce qui deviendra d'ailleurs leur véritable force, notamment par le biais d'Internet. Marillion, notamment sous l'impulsion de Mark Kelly, un des cinq membres du groupe, le plus geek, dira-t-on, sera le premier groupe de classe internationale à comprendre, à anticiper et à s'approprier les nouveaux moyens de communication disponibles via le web, de façon à toucher directement son public, et ce, d'ailleurs, bien avant Radiohead, pourtant habituellement considéré, mais à tort, comme un pionnier en la matière. Ils n'hésiteront pas, par exemple, à faire appel financièrement à ceux-ci, d'abord pour à leur public, bien sûr, à leurs fans, d'abord pour l'organisation d'une tournée américaine après la sortie de l'album The Strange Engine. Et l'initiative de collecte de fonds servira aussi à produire l'album Anorak Nophobia de 2001 ou encore à constituer un budget promotionnel pour l'album Marbles qui sortira en 2004 et dont nous écoutons directement un extrait « You're Gone ». As you came to me, like nightfall followed dawn, without a day between. You're gone, and suddenly I can't see. I'm in the shadow. Thank you. Living in the Past. Le meilleur du classique. Et pour suivre When I Meet God, quand je rencontrerai Dieu, Marie-Lyon. Why does it ease my mind? want an adventure. Marillion, When I Met Hot. Et nombre de fans apprécieront et se prêteront de bonne grâce à cette forme de soutien direct qui, de plus, donnera le plus souvent droit pour eux, pour ces fans, à une version collector de l'album spécialement réservée aux précommandes. C'est pas bête tout ça. Et plus de 18 000 personnes ont par exemple précommandé cet album Marbles dont nous avons écouté l'entrée au début de cette séquence, le titre You're Gone. Donc 18 000 personnes ont précommandé cet album, permettant ainsi à Marillion de s'autoproduire avec une certaine visibilité financière. Quant au groupe, il se distinguera également en décidant de s'affranchir du soutien d'une boîte de management, la toute puissante société de John Arneson, qui pourtant accompagnait le groupe depuis 1983. Ceci afin d'exercer un contrôle encore plus direct sur tous les aspects de sa destinée. Marie-Lyon montera enfin un site web tout à fait exemplaire qui lui permettra d'établir une relation quasi symbiotique avec ses fans, appelés à prendre une part de plus en plus active dans certains événements tels que la planification des tournées ou même le contenu de certains matériels. Marie-Lyon multipliera donc ainsi en marketing direct les matériels audio et vidéo accessibles uniquement via son site web et le groupe éditera ainsi les live from the front row, littéralement les titres enregistrés de la fosse, permettant de télécharger des dizaines d'enregistrements en public brut de décoffrage, puisque capté à la console de mixage pendant les concerts. Et Marie-Lyon éditera également via le Racket Club et son site web une multitude de supports vidéo. Quant à la commercialisation en ligne en 2003 de la vidéo Before First Light, Live at Marie-Lyon Weekend 2003, moins de 48 heures après la tenue du concert, cela constituera un exploit qui vaudra à Marie-Lyon son entrée dans le livre des records. On poursuit et on clôture un peu cette séquence consacrée à la manière dont Marie-Lyon a su exploiter au maximum sa carrière et sa destinée vers plus d'indépendance avec un titre extrait de l'album de 2007 Somewhere Else. Il s'agit de Thank You, Whoever You Are. ...10h38 sur les ondes d'RQC. Well, Au-delà de l'aspect purement, strictement musical, Marillion aura ainsi été la première formation à instituer, à pérenniser un mode de fonctionnement, tout à fait révolutionnaire car totalement autonome. Et ce mode de fonctionnement qui visait, grâce à Internet, à court-circuiter un maximum d'intermédiaires entre le groupe et son public, a fait aujourd'hui de très nombreux émules au point de devenir un nouveau schéma de développement alternatif cité en exemple dans l'industrie du rock. Au-delà de la sphère musicale, ce modèle, appelé financement participatif, vous aurez peut-être déjà entendu le terme aussi en anglais, crowdfunding, donc financement participatif ou production communautaire est désormais plébiscité dans le domaine associatif, économique et même politique. C'est ainsi qu'on peut dire que Marillion est vraiment un groupe tout à fait innovant. Et comme c'est de coutume dans cette émission qui offre une énorme diversité des genres et des époques, on passe maintenant à la rubrique suivante. La rubrique suivante consacrée à notre album du jour. Et cet album, c'est un album du groupe Taste, sorti en 1969. C'est d'ailleurs un album éponyme. Ce groupe ne vous dit peut-être pas grand-chose. Par contre, si je vous dis Rory Gallagher, certains d'entre vous diront « Mais oui, c'est le guitariste irlandais bien célèbre. » Et donc, on consacre notre rubrique de l'album du jour à cet album éponyme sorti en 1969, enregistré à Londres en 1968, et qui va révéler le talent immense de ce superbe guitariste qui est Rory Gallagher. On démarre cette rubrique avec un titre Born on the wrong right side of time. Décidément, je bafouille. Une excellente composition qui mêle à la fois la guitare acoustique et la guitare électrique avec une partie centrale évoquant une musique élisabéthaine, et la guitare de Rory y est vraiment mordante à souhait. Voici Taste, Born on the Wrong Side of Time. Master Time will call us to his side, and you watch your brothers shake with fear as they watch his servant Time. I You can smell their fear as they stand and curse the fact that they're alive. On the Wrong Side of Time, le groupe Taste en 1969 sur leur album éponyme Taste, un groupe animé par Rory Gallagher, le génial guitariste irlandais. Et une petite guitare en plastique reçue en cadeau alors qu'il n'était qu'un enfant sera l'élément déclencheur de la vocation de Rory pour la musique, mais aussi pour cet instrument. Et alors qu'il n'est âgé que de 12 ans, Rory recevra enfin sa première véritable guitare, électrique cette fois. Et toute sa jeunesse sera fortement imprégnée de cet art. À la radio, devant le poste de TV, sur son électrophone, il s'éprend des airs et des artistes alors en vogue. Les Presley, Chuck Berry, Muddy Waters, Lead Belly, Woody Guthrie. Et l'Irlandais d'origine galloise, seul et comme un grand, fera son apprentissage dans la musique. Via la guitare, l'harmonica ou le saxo. Et Rory Gallagher, c'est un pur autodidacte. En 1963, alors qu'il est âgé de 15 ans, il s'endettera pour s'offrir une Fender Stratocaster comme son idole Buddy Holly. Il intégrera un orchestre de bal, The Fontana Showband. Il n'a en effet qu'une seule idée en tête, devenir musicien professionnel. Et voici pour suivre un second extrait de cet album éponyme. Il s'agit de Blister on the Moon, un excellent titre rock que Rory a composé et dans lequel sa guitare, vous remarquerez que sa guitare est bien présente et agressive à souhait. Et le son de cette guitare sonne très moderne, un peu près hard rock. Et il y a de surcroît pour ce titre un véritable effort de composition. Living in the Past, l'album du jour. Thank you. what to do and what to think. Once you ask permission, when you feel you want to blink. First look left and then look right and now look straight ahead. Make sure and take a warning of every word we said. Now you lay you down to sleep, make sure and get some rest. Tomorrow is another day and you must pass the test. Don't try and think too different, now what we say is best. Listen little man, you're no better than the rest. At the wayside, crawl along the road we've set. Smile and look happy fool, or we'll throw you in the wet. Now if you learn your lesson well and step upon the line, save your breath until forever, we should get along just fine. We'll bend your heart until it breaks, make sure you feel no pain. We don't want to crush you, give it to the rain. But now you want to run away, okay, let's see you run. Run across the frozen air, try resting on the sun. And if you feel it burn you, don't yell out in pain. I wish you had a velvet sponge full of soothing rain. So let's have that stiff upper lip, now take a long deep breath. Close your ears, you cannot hear, the rules are all preset. Thought we were illusions, but we meant the word we said. We're in command, you tiny fly, we'll crush you till you're dead. h 55 sur les ondes d'RQC. Merci de passer la matinée en votre compagnie. Nous sommes vraiment très heureux de vous avoir parmi nous, chez vous, au bureau, dans votre voiture ou sur votre site internet. Et on est occupé de retracer un peu le début du parcours de ce génial guitariste qu'est Rory Gallagher. Nous sommes au milieu des années 60 et c'est l'époque où la musique est occupée de se transformer en profondeur. Les Beatles, les Stones, les Animals ont envahi les ondes. Et les Fontana Showband, le groupe dans lequel sévit Rory Gallagher désormais, joue à l'époque du rhythm and blues en Angleterre. Il décide, à cause de toutes ces transformations, de changer de nom. Et il se fait appeler dorénavant The Impact. Mais malheureusement, les temps sont durs, les cachets sont maigres. Et trois membres du groupe décideront alors de raccrocher, de retourner paisiblement en Irlande, tandis que Gallagher, flanqué du batteur et du bassiste du groupe, décide ensemble de tenter leur chance en Allemagne. Et là-bas, ils accompagneront quand même des groupes aussi célèbres que Cream, Fleetwood Mac et John Mayall. Et de retour en Angleterre, ils se font remarquer par un producteur du label Polydor lors d'un concert qu'il donnait au célèbre Marquee Club de Londres. Et si ce producteur propose à Rory d'enregistrer un premier album, Il estime toutefois, par contre, que la section rythmique n'est pas au niveau et il lui demandera d'en changer. Et c'est la mort dans l'âme qu'il se séparera de ses deux comparses, enfin que Rory Gallagher se séparera de ses deux comparses et qu'il engagera alors un batteur, John Wilson, et un bassiste, Richard McCracken, avec lesquels il fondera ce groupe Taste. Et ce trio magique n'enregistra au final que deux albums studio, mais quels albums ! Écoutons maintenant un troisième titre, Sugar Mama, qui n'est autre qu'une reprise d'un titre d'Howlin' Wolf, mais qui se révèle être assez méconnaissable par la relecture assez hard et agressive qui en est faite, tant dans la musique que dans le chant. Et le feeling blues est déjà là, mais la rythmique lourde renforce le côté pré-hard rock de cette reprise, qui sera d'ailleurs un standard des concerts de Taste, et dans lequel Rory montre alors son énorme potentiel. Sugar Mama. Sugar Mama, where in the world you got your sugar from? Tell me, Sugar Mama, where'd you get your sugar from? Way down Louisiana, I've been working on your daddy's sugar farm. We'll be right back. I'd like my tea at night. Superbe morceau que ce Sugar Mama du groupe Taste qui figure sur l'album de 1969, album éponyme que nous revisitons ce matin, ainsi que le début de la carrière de ce brillant guitariste que vous aurez remarqué sur ce titre tout à fait emblématique de la formation. Et c'est 1969, c'est l'époque où le trio emménage dans un minuscule appartement londonien, qu'il se passionne pour le jazz de Django Reinhardt et de John Coltrane, qu'il ne cesse de donner des concerts. Et le groupe, tout au long de ce début de carrière, fait alors preuve d'une cohésion sans pareil, et cela d'ailleurs se sent et s'entend sur l'enregistrement de ce premier album éponyme, où, particularité, tout est joué en live. Il n'y aura que quelques retouches avec l'addition de quelques guitares. Et la sortie de l'album en 1969 lui permettra d'acquérir enfin une notoriété internationale. 1969, C'est aussi l'année où Cream se sépare. C'est l'année, à cette époque, Jimi Hendrix tourne surtout aux États-Unis et tout naturellement, Taste devient alors le trio préféré de nombreux amateurs de rock en Europe. Et il connaîtra d'ailleurs une consécration définitive en 1970, lors de son concert mémorable donné au festival de Will de White. Et dans la foulée, il sortira, il composera, et éditera et sortira un deuxième album qui sera en fait le dernier du groupe, parce que, en effet, cela n'empêchera pas ce groupe d'atteindre bientôt son point de rupture. Des tensions apparaissent notamment entre Rory et ses deux acolytes, ceux-ci revendiquant d'être traités sur un pied d'égalité avec lui, sur le plan financier bien sûr. Ils sont aussi en désaccord sur le plan artistique. Et bon, ce qui devait arriver arriva, le divorce sera consommé et un dernier concert d'adieu sera donné à Belfast lors du réveillon de Nouvel An 1970. Wilson et McCracken formeront Stud avec Jim Cregan et John Wader. Quant à Rory, il entamera alors une carrière solo et deviendra l'un des meilleurs guitaristes de blues rock. Au fil des ans, Gallagher s'est développé une image de bluesman qui renonce à la commercialisation en faveur d'une certaine intégrité musicale. Étonnamment, dans la vie, il était presque l'antithèse de sa musique, agressive tant il était connu pour être tranquille, amical, avec une voix douce et toujours désireux de plaire à autrui. Malheureusement, il décédera bien trop tôt, en 1995, des suites de complications après une grève de foie. Il n'avait alors que 47 ans. On le retrouve une dernière fois sur cet album en compagnie du groupe Taste. Et je vous propose Living Blues. I'm leaving in the morning, I don't know which way to go. I'm leaving in the morning, I don't know which way to go. But I'm leaving in the morning on that C&O. I lay down on my pillow, I cry myself to sleep. I lay down on my pillow to sleep. Love you, woman, you know you're so, so sweet. (Laughs) rather see my coffin coming right through my front door. I'd rather see my coffin coming right through my front door than to hear you say you don't want me no more. I lay down on my pillow, I cry myself to sleep. Lay down my pillow, cry myself to sleep. Love you, babe, know you're so, so sweet. Even in the morning, I don't know which way. C'est avec ce Living Blues que nous avons achevé l'évocation de l'album du groupe Taste de Rory Gallagher, album éponyme de 1969. Les amateurs de blues rock auront sûrement apprécié. Il est 11h14 à l'horloge d'RQC. Dans un quart d'heure, il sera bientôt temps de nous quitter. Nous allons terminer notre émission avec un monument de la musique pop-rock dans un style un peu inhabituel pour Elton John. Elton John est sur l'album de 1973, Goodbye Yellow Brick Road, enregistré d'ailleurs au château d'Hérouville en France. Et je vais vous poser une petite devinette. Avez-vous déjà joué au jeu qui consiste à vous demander quels albums vous emmèneriez sur une île déserte si vous ne pouviez en emporter plus de 10? Un choix cornélien, un choix délicat, où l'on s'aperçoit bien vite que 10 disques, c'est bien trop peu. Eh bien, dans ma liste personnelle, ce Goodbye Yellow Brick Road ferait probablement partie de ce que je choisirais pour aller jouer les Robinson Crusoe. Même si l'album en son entier, dans sa totalité, est d'une qualité exceptionnelle, il y a certains titres qui méritent d'être cités plus que d'autres. Tout d'abord, le morceau qui ouvre les hostilités, inhabituel pour sa durée, il dure 11 minutes quand même, et par sa première partie instrumentale. En fait, Funeral for a Friend and Love Lies Blinding est constitué de deux morceaux distincts enchaînés, le premier entièrement instrumental avec une ouverture grandiose et progressive, et ce sera la seule concession d'Elton John à un genre qui s'impose sur la musique de l'époque, et le second revenant à un rock entraînant typique du style d'Elton John du moment. On retrouve Funeral for a Friend and Love Lies Bleeding. change the pace. I can't face another day. Station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Listen loud to the wind, babe. Listen loud. that water, licking at my feet again. I don't wanna see this town no more, wasting my days on a factory floor. The first thing you know, I'll be back in Bow River again. Anytime you want, babe, you can come around. But only 6 days separates me and the red tide bell. I've been working hard, 12 hours a day. In the morning I'll save or buy my youth again. I'm going for the heat, babe, and the tropical rain. Yeah, the place where no man's putting all the dogs with me. I'm waiting on a weekend, set of brand new tires, and back in Bow River, just where I wanna be. Oh, listen now to the wind, babe. Listen now to the C'est avec ce titre Bow River de Cold Chisel que nous achevons cette émission du 18 décembre 2017, qui sera d'ailleurs la dernière de l'année, comme je l'ai indiqué déjà en début d'émission. Je me permets de vous le rappeler, donc notre prochain rendez-vous, ce sera le 8 janvier entre 9h et 11h30, toujours en compagnie de Jean-Marie pour son émission émission Living in the Past. J'espère que vous avez passé 2h30 agréables en notre compagnie et je vous laisse en compagnie de précisément de notre programmateur numérique Hector, non sans vous avoir quand même donné au préalable quelques indications sur ce groupe Cold Chisel que l'on vient d'écouter, qui est un groupe en fait australien qui a débuté sa carrière en 1973 en reprenant notamment des artistes hard rock en vogue à l'époque comme Deep Purple et Led Zeppelin. Et ce groupe enregistrera quand même s'il n'est pas trop connu chez nous, enregistrera quand même 7 albums studio et il en vendra plus de 2 millions de disques durant sa carrière, ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être introduit à l'ARIA Hall of Fame en 1993. Le titre que nous avons écouté, Bow River, est extrait de leur 4e opus sorti en 1982, c'est Circus Animals, qui comprenait quand même quelques titres de qualité, hein, comme ce Bow River, et qui se classera, ma foi, quand même numéro 1 des ventes en Australie. Ceci étant dit, permettez-moi maintenant de vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël, de bien terminer et surtout de bien entamer cette nouvelle année 2018 qui se profile. Bye bye. Living in the Past. Le meilleur du classique. Changer le cours des choses.